bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster 127.0. Oui, oui, un Lobster un peu en retard. C'est pas un succès depuis que j'ai décidé que j'avais des invités avec moi. Mes deux invités, absents. Mon frère, depuis qu'il est entré dans les Témoins de Jéhovah, je l'ai pas revu. Ma copine, depuis qu'elle a une nouvelle voiture, je l'ai pas revu. Effet météoro un peu partout. Donc, je débute ce Lobster tristement seul. Comme le stock que j'avais prévu vous parler se faisait mieux à deux, je vais me rabattre sur les autres petites choses que j'avais mis de côté. Ça risque d'être bon quand même si vous voulez rester avec moi. Donc on débute comme ça, avec un petit peu de musique, de quoi que j'ai découvert et que j'aime bien, c'est Purple Disco Machine avec Sophie and the Giant dans la chanson Hypnotize. Sur ce, bon Lobster 127.0. Et si mon frère était là, il vous dirait probablement « Le dieu terrestre est Jéhovah, le dieu d'Euphor est Goldorak. » Et si ma copine était là, elle vous dirait probablement « Yeah, j'ai passé mon permis !» avant de se sauver en voiture. Un peu de nouvelles, mon frère, bon, il est pas vraiment dans les témoins de Jéhovah, malgré qu'il y a un petit look de Jéhovah qui perd ses cheveux, mais non, il est pas viré, Jesus Freak, non, il était malade. Il y a 2 semaines, on est descendu à Québec pour dîner avec lui et mes parents, et il était, comment dire, en mauvaise condition. Pour faire une analogie, je dirais qu'il était un peu comme le gazon qui commence à apparaître sur mon terrain là, suite à la fonte de la neige. Il est pas mort, mais il était pas en super forme. Il est comme jauni, pas frais. Il a même pas mangé avec nous, il était trop magané. Mais je sais pas trop ce qu'il a eu. Ça a duré quelques jours, donc on va dire qu'hypothétiquement, il a eu le mot en G. Mais même s'il est malade, il a quand même tenu à vous envoyer un petit message. On l'écoute. Il y a un gars qui, en tout cas, il est pas à son meilleur, genre là. Ah non, il va mourir parce que je dépense d'énergie par effet, c'est la mort, c'est sinon. Pas dans une situation agréable, donc c'est sûr que je me mettrais pas à engraisser, là, je pense pas. Et ma copine, pourquoi elle n'enregistre pas avec moi? Oui, bon, elle fait météoro avec sa nouvelle voiture. C'est qui Météoro en passant? Je me souviens pas si je l'ai mentionné ici, mais c'est une émission qu'elle écoutait quand elle était petite au Pérou. Un genre de Flash McQueen espagnol, là, une voiture qui va vite. Donc, sa grosse nouvelle, c'est qu'elle a son permis depuis une semaine environ. Et elle peut maintenant se promener seule avec le VUS qu'elle s'était acheté en prévision de ça. Mais, vous me direz, ça l'empêche pas de participer au Lobster. Non, mais l'autre week-end... De retour de la visite chez mon frère, elle n'arrivait plus à parler. Bon, elle avait perdu la voix, donc c'est plutôt difficile d'enregistrer un lobster avec elle pas de voix. Donc aujourd'hui, je me suis décidé, on va laisser les gastrus de gazon de côté et y aller comme dans le bon vieux temps, en solo! Bon, maintenant, il faut que je vous parle de cette méga découverte qui a changé ma vie. TNT Supermarché. Dans les nouvelles, on a pu lire « Situé au 300 Avenue Sainte-Croix, à l'intersection des autoroutes 15 et 40, ce magasin sera en mesure de desservir l'ensemble des résidents du Grand Montréal avec une gamme de produits et de mets asiatiques inégalés. » Je ne sais pas si vous connaissez... C'est un méga magasin. Moi, quand je suis allé là pour la première fois avec ma copine, on a immédiatement là, été conquis. C'est gros, comme la plus grosse épicerie que vous pouvez avoir déjà visitée. C'est plus gros que nos IGA, plus gros que les plus gros Loblaw. C'est vraiment un gros supermarché, mais rempli de produits asiatiques. Puis moi, je dois dire que je suis quand même difficilement impressionnable car j'ai quand même l'habitude des marchés à Denise, du marché à Hawaii où ce que c'est plus chinois. Je suis habitué aux tous les petits magasins du quartier chinois, mais là, c'est comme un autre niveau, un autre level. Si vous avez la chance d'y aller, vous allez être comme ailleurs. Nous, on est allé là un samedi. Il y avait beaucoup de monde. Mais ça nous a pris 3 heures faire les allées. On regardait tout. Puis on y est retourné le lendemain pour dépenser encore plus, pour racheter les choses qu'on avait vues mais qu'on avait hésité à acheter. Donc, quand tu rentres là, tu arrives comme dans la section des légumes. Et là, c'est le festival du bok choy, du brocoli chinois, de toutes sortes de choses que je ne connaissais pas, de fruits du dragon rouge, jaune, de toutes sortes de champignons frais que tu n'as jamais vus, à 1,49$ ou 2$. C'est vraiment merveilleux si tu aimes manger des salades. Là, tu es sûr de renouveler toutes tes saveurs d'un coup. Une chose bizarre qu'on a vue quand on est arrivé là, c'est à l'entrée, c'est comme des cadeaux préparés pour le nouvel an chinois. C'était des boîtes super chic, des boîtes noires qui contenaient un melon miel, mais ce qui nous a attiré, c'est le prix. C'était 100$ la boîte. Je pense que c'était 94 et quelque chose. On comprenait pas trop c'était quoi l'arnaque. On essayait de lire en arrière. Évidemment, c'était en je sais pas quoi. Puis, le lendemain, le dimanche, quand on est retourné, ma copine, ben, on est encore bloqué devant ces melons-là. Puis, ma copine a demandé à une personne d'origine asiatique qui était là, qui regardait ça avec nous. Puis, elle lui a confirmé que cette boîte, c'était juste une arnaque, qui essayait de nous vendre un melon miel à 100$. Ensuite, bon, on oublie la boîte de melon miel. Ensuite, passez les légumes. Tu arrives dans la section poisson, fruits de mer. Mais c'est comme une section comme tu peux pas t'imaginer. Il y a des palourdes royales dans des gros aquariums, comme dans le célèbre clip là, de Boucard Diouf et Francis Reddy. Juste à côté, il y avait un crabe royal vivant, 100$ la livre, mais il était gros comme un chien, gros comme un gros chien. 3 pieds de haut sur ses pattes. Moi, j'avais jamais vu ça. C'était immense. Je suis même pas sûr qu'en le levant, je serais capable de le lever tout seul. Ensuite, des poissons. Toutes sortes de poissons. J'ai même vu du caplan, comme on pêche au Saguenay, là, à pêche blanche dans nos petites cabanes, à 3,50 la livre. Quoi d'autre? De l'anguille. Ensuite, collé à cette section, on rentre dans les produits pour mettre dans les hot pots. C'est des choses congelées que tu achètes. Puis c'est quoi? Bon, avant de parler de ces produits-là, parlons du hot pot. Le hot pot, c'est quoi? C'est comme un plat à fondue chinoise qu'on connaît, mais plus gros. Tu peux mettre 3 à 4 litres de contenance là-dedans, de liquide. Puis il est séparé en deux dans le milieu. Quand tu mets du liquide, les deux, ça passe pas d'un bord et de l'autre. Moi, je m'en suis acheté un le dimanche. Ils en vendent évidemment. C'est 100$ pour un qui est électrique. Comme je dis, il est splitté en deux. Donc, tu peux faire chauffer d'un bord tes légumes, puis de l'autre, les viandes de toutes sortes. Donc, c'est l'intelligence, c'est que pendant que tes légumes cuisent plus vite, ben, tu mets de la viande d'un bord, puis tu peux la laisser cuire. Puis une fois que tu sors ta viande, puis que tu en remets de la nouvelle, ben, ça évite de contaminer tes légumes. Disons que tu mettrais du poulet pas cuit, ben, tu peux continuer à manger tes légumes. Bref, c'est ça le hot pot. Puis là, dans cette rangée-là, passer les poissons, tu as plein de rangées de produits qu'on ne connaît pas. Il y avait des boules de pieuvre, des boules de simili-crabe, des boules de poisson qui étaient panées ou pas. Puis tout ça, c'est pour mettre dans les bouillons de ton hot pot. Puis nous, c'est ça qu'on était descendu manger chez mon frère l'autre week-end pour leur faire goûter. Bon, puis tu mets quoi là-dedans dans ton hot pot comme bouillon? Eh bien, évidemment, dans le TNT Supermarket, ils ont une section de bouillon déjà prêt ou dans laquelle tu peux rajouter de l'eau. Moi, j'ai acheté des bouillons qui sont comme semi-liquides, puis après, tu rajoutes de l'eau. Tu ouvres ça, c'est rempli d'épices, puis tu le mets, tu le splits en deux, ton côté légumes, ton côté viande, puis là, tu rajoutes de l'eau. Puis à mesure que tu fais bouillir puis que tu manges, tu rajoutes de l'eau vu que les épices restent là. Puis je dois dire, c'est quand même assez épicé. Même pas mal. Même que c'était trop pour mon père a mangé d'autres choses chez mon frère. Puis pourtant, on a essayé de prendre un bouillon qui était le moins piquant. Là, c'était aigre douce, mais il était piquant. Imagine, on a acheté un autre bouillon qui, lui, est épicé. Donc, je sais pas quand on va faire ça, si on va pas mourir. Moi, j'ai même eu un bouton dans la bouche qui a poussé, là. Puis j'ai demandé au dentiste, c'était quoi? Elle a dit, probablement que vous avez mangé trop épicé, puis là, ça a irrité vos glandes salivaires. Donc, c'était quand même assez épicé, ces bouillons-là. Mais bon, passons pour le hot pot. Si on continue notre visite du magasin, bon, là, on continue. Tu as plein d'autres rangées de produits qu'on ne connaît pas, écrits dans d'autres langues. Même si tu l'as en arrière, je ne suis pas sûr que l'Office de la langue française serait contente de passer dans ce magasin-là. C'est pas tout qui est traduit. Mais bon, c'est quoi qu'il y a? Il y a des chip lays au crabe, il y a des collations aux crevettes. Moi, j'ai acheté un gros sac de dattes rouges séchées en gros sac. Puis c'est le fun, c'est pour déguster. Là. En tout cas, des dattes rouges, moi, j'avais jamais mangé ça. Ensuite, tu as la section de bonbons inconnus pour attirer l'œil des enfants. Puis là, bon, là, tu arrives dans la section où est-ce qu'on achète l'hot pot. Et là, pour nous, achat d'un autre instrument de cuisson. Et oui, en plus du hot pot, j'ai comme acheté le kit en bambou là, qu'on voit dans, à la TV ou dans les magasins de dumplings. C'est pour faire cuire à vapeur les dumplings. Car oui, quand tu arrives vers la fin du supermarché, tu arrives dans une section de surgelés qui est remplie de produits qui sont vraiment trop bons. C'est tellement bon. C'est des gros sacs de dumplings aux poireaux, aux légumes, aux porcs. Pour ceux qui sont véganes, ben, il y a une section juste de ça. Si tu veux goûter des nouvelles affaires véganes, ben, tu es servi. Il y a une section juste pour ça. Puis, quoi dire? Les dumplings, ben, c'est la chose que mes garçons ils ont le plus aimé. Mon plus jeune, il en mange beaucoup trop depuis que je vais à cette épicerie-là. Des fois, je suis couché, puis j'entends, puis il est minuit, puis je l'entends se préparer des dumplings. C'est tellement bon. Moi, la semaine passée, j'ai décidé que pour moi, c'était terminé. J'en avais trop mangé. Bon, j'étais plus capable. Un gars se tanne à un moment donné. Mais bon, là, il y a quelques jours qui ont passé, puis ce soir, j'en ai encore mangé. Bon, c'est surtout aussi que c'est vraiment délicieux, là, c'est aussi bon qu'au resto, mais c'est qu'il n'y a aucune préparation. Tu fais juste bouillir de l'eau, tu mets ça dans les pots en bambou, puis 5 à 10 minutes après, de vapeur sur ça, c'est prêt, puis tu manges ça avec de la bonne sauce soya. Bon. Moi, je suis retourné au TNT Supermarket, je pense, depuis que je l'ai découvert il y a un mois. Je suis retourné 5 ou 6 fois. J'ai même amené un ami du travail là, pour lui faire découvrir. Lui aussi, il est reparti avec le hot pot puis les affaires à cuire en bambou. Si vous aimez ce genre de magasin, c'est vraiment un bel endroit à visiter. Puis il faut surtout pas oublier qu'il y a aussi une section buffet. Tu peux même te servir pour quelques dollars. Je pense que c'était 5 dollars et quelques ou 6 dollars. C'est un gros bol, puis là tu passes au travers des rangées de produits asiatiques préparés, puis tu remplis ton bol, puis tu vas manger ça à une table. Bon, moi j'ai pas encore goûté, mais ça sentait bon, puis les gens, en tout cas, il y a plein de gens qui en mangeaient, puis ils avaient l'air à apprécier. Bref, si vous passez dans ce coin-là, c'est une belle visite à faire. Même pour les enfants, juste de voir les gros aquariums de poissons vivants et de palourdes et de crabes royales, c'est quand même impressionnant. Là, on voit pas ça partout. Puis ensuite, quand ils ont fini de s'extasier devant les poissons, ben, tu les drops dans la section des bonbons que tu n'as jamais vu, Isala. Voilà, c'était une de mes belles découvertes depuis le dernier Lobster. La seule chose triste, c'est que mon frère, lui, bon, quand on est allé chez eux, il n'a pas pu goûter au hot pot. Mais bon, on retournera cet été le voir quand il ira mieux. Pour l'instant, il y a toujours de la misère. Bon, on retourne en musique et au retour, la suite du Lobster 127.0 en mode solo. de retour dans le Lobster 127.0 après avoir entendu quand même cette belle guitare jouée par Buckethead dans la chanson Shadow Between the Sky. Parlant de guitare, je pense qu'on pourrait aussi aller écouter ce que mon frère a fait dernièrement. Lui, c'est un peu mon Buckethead à moi. On peut écouter son dernier riff de guitare sur sa chaîne YouTube One Riff a Day. On l'écoute. C'est quand même drôle. Je suis allé voir le dernier riff, là, le riff du 16 mars, riff 473. Et je savais même pas, mais ce riff-là il m'est dédié. C'est quand même le fun. Ça débute avec une photo de moi et ensuite deux jolis nains. Mon frère, il sait que j'aime ça. Il m'a mis mon nain préféré en plus, tatou de l'île fantastique. Comment il s'appelle? Hervé Villechaise, ouais, de son vrai nom. Moi, j'adorais écouter L'Île Fantastique. Je sais pas. Puis si je fais un peu d'introspection, c'est peut-être de là que vient mon amour des nains. Il me semble que quand on était jeune, là, ceux de mon âge, là, je vais avoir 50 ans, il y avait quand même beaucoup de nains à la TV. Bon, il y avait bien sûr Tatou là, de L'Île Fantastique, qui lui, il a eu quand même une triste fin, là, je n'ai déjà parlé. Lui, après avoir été mis dehors de L'Île Fantastique, il est tombé dans la mélancolie, puis il a fini par se tirer une balle. Mais sinon aussi, je me souviens que dans ces temps, ben, je me suis remémoré que dans ces temps-là, j'écoutais aussi Arnold et Willy. Arnold, bon, c'était pas vraiment un nain selon nos standards actuels. Un nain, il faut 4 pieds 3, 4 pieds 2 et moins. Là. Lui, il était un petit peu plus grand. Mais lui aussi, il a pas eu une belle fin d'après ce que je vois. Je sais pas pourquoi j'ai. Dès que je parle de nain, mon cerveau virefou un peu. Bon. Mais sinon, Arnold, ouais, j'ai lu que c'était la principale vedette de la série Arnold et Willy, là, évidemment. Il gagnait jusqu'à 100 000 $ par épisode dans ce temps-là. Puis devenu adulte, ils disent qu'il aurait dû être à la tête d'une fortune de 18 millions de $, mais malheureusement, ses parents ont tout ramassé. Puis ses conseillers d'affaires. Fait que c'est écrit qu'en 1989, il a intenté un procès, puis a réussi à obtenir un dédommagement de 1,3 million de $. Ça, c'est en 1993. Puis finalement, quelques années plus tard, en 1999, il a fait une banqueroute personnelle. Puis aussi, tu sais, quand je repensais à ça, dans mes jeunes années, on avait même des nains à la lutte. Ça, c'était des bons souvenirs, là. On se rappelle ici un souvenir, Little Beaver puis Tiger Jackson. On écoute un petit moment de la lutte. Je sais pas si c'était à la lutte du samedi, là, mais habituellement, c'était ça. La lutte du samedi. On écoute ça. Dubé qui sera entre ces quatre gladiateurs de l'arène, entre guillemets, Little Beaver. Nul autre que Little Beaver, le petit castor, comme plusieurs l'appellent, Il est flanqué de Tiger Jackson. Le combat est déjà commencé. Gino, ça va nous détendre des Road Warriors. Oui, mais il y a quelque chose qui me tracasse, là. C'est que j'ai vu Pancho Boy et Sonny Boy rentrer avec les chandails des Canadiens. Puis toi, avec toutes tes connexions, là, tu pourrais pas approcher Bergeron. Peut-être avoir un couple de chandail des Nordiques. Ah, je peux demander ça à Bernard Brisé, le directeur de communication, lorsque ça viendra à Québec, parce que ce combat-là, que nous vous présentons en reprise, incidemment, eh bien, a été présenté à Québec en 1984. Ça a donné bien les gilets du Canadien dans le building de Limoilou. Je crois qu'ils ont mis ces gilets-là justement pour piquer les gens et tout. Ils ont bien réussi aussi. J'étais là ce soir-là. Bien, Tiger Jackson, qui se retrouve devant Pancho Boy, a sorti des push-ups. C'est le Gilbert Delorme de la lutte. Pauvre Renald Dubé, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il demande à Tiger Jackson, en particulier, de rejoindre Pancho Boy. Little Beaver est dans un coin. Et évidemment, Sonny Boy est dans l'autre. L'aîné est tout le temps apprécié des jeunes, surtout André. Et donne tout le temps un beau spectacle. Eh bien là, c'est tout du vol plané de la part de Tiger Jackson. Et là, c'est Little Beaver qui s'amène dans l'arène. Little Beaver, c'est le petit général dans le film. Oui, il vient de dire... Tiger, reste là, fais ci, fais ça. Le bruit était fait et... ici, Little Beaver a dit à l'arbitre, minute. Mais non, c'est Tiger Jackson qui revient. Contre Pancho Boy. On reprend le même manège, épreuve de force au centre de l'arène. Tiger Jackson qui concède énormément de poids. Là, voici le... Pancho Boy. Et Little Beaver qui est venu compter. Little Beaver. C'est un bon comédien. Ouais, plus fort qu'eux autres, il faut qu'ils s'en prennent tout le temps à l'arbitre. Sonny Boy qui est intervenu, mais ça n'a pas tellement dérangé Tiger Jackson. Tiger Jackson, lui, qui s'adresse à l'arbitre. L'arbitre compte, il lève ses bras, il arrête de compter, mais les épaules sont encore par terre. Bon. Eh bien, Tiger Jackson qui... Tiger Jackson qui montre à l'arbitre comment compter. Et là, ici, il est drôle. C'est un petit comédien, tiens. Et voilà, c'est comme ça que tu dois compter, semble-t-il. Il dit effectivement à l'arbitre comment il doit compter. Et regarde ici, Little Beaver qui a usé d'une bonne vieille expérience pour amener son épaule malgré lui à l'intérieur de l'arène. Et l'autre qui vient le consoler. Le frotte-foufoune. Je ne sais pas si c'est plus mal, son orgueil ou son postérieur. La Tiger Jackson, toujours aux prises avec Pancho Boy, les deux lutteurs au centre. Ce qui est fun avec ces vieux extraits, c'est que la mentalité de l'époque a transparaît quand même au travers des propos. Je sais pas si vous avez entendu, mais au début, ça commençait fort quand l'animateur dit « Attraction spéciale, les nains! » Puis le combat, lui, est aussi comique. C'est sûr que vous avez pas vu le combat, mais vous entendez quand même au travers de l'extrait, on entend rire tout le long du combat, là, les quatre gens de petite taille. Sur le ring, ils font quand même juste des cabotineries, là. Ils font des pirouettes, ils se tapent les fesses là, tout le long du combat. C'est comme une attraction de cirque. Mais bon, assez parlé de nains, j'ai encore dévié. On réécoute un riff de mon frère, là. Un riff ou deux là, pour se ramener sur le droit chemin. Sinon, si on revient un peu sur le sujet de mon frère, ben moi je pense que pour pogner, là, pour avoir un succès interplanétaire, je pense qu'il faudrait le pimper un peu. Il lui manque juste de se trouver un habillement un peu comme Buckethead, puis je suis sûr que ça pourrait l'aider à pogner plus. Par exemple, Buckethead, lui, son chapeau, c'est un baril de poulet frit Kentucky qui est retourné à l'envers sur sa tête, avec un genre de masque blanc sur sa face là, qui fait peur. Puis aussi, durant ses spectacles, il fait des chorégraphies de nunchaku là, sur la scène, puis il bouge comme un robot. Sinon, sa dernière particularité qui est un peu spéciale, il a la particularité de répondre aux entrevues par l'intermédiaire d'une marionnette qui se nomme Herbie. Bon. Donc, pour que mon frère devienne aussi célèbre que lui, moi, je pense qu'il pourrait s'inspirer. Je pourrais lui donner en cadeau une perruque la même couleur que les cheveux de Chuck Norris pour qu'il lui ressemble, qu'il devienne invincible. Ensuite, pourquoi ne pas lui faire préparer un costume réplique sur la shape de Bruce Lee avec tous les pectoraux qui sortent. Puis finalement, on laisse faire le masque, un masque pas le fun, mais il pourrait se teindre le visage en vert comme Hulk. Ça serait ainsi comme le triumvirat de la force qui est regroupé sur mon frère d'un coup. Puis ensuite, bon, autre particularité, il m'a dit qu'il pourrait faire semblant d'être un nain, puis toujours avoir une roche dans sa main qui fait parler là, quand on lui pose des questions. OK. Bon, moi je lance ça à l'univers. S'il m'écoute, ben c'est lancé. À lui de l'attraper ou pas. Sinon, autre nouvelle, ben je veux m'acheter une scie mécanique. Ouais. Pour faire un retour à la Terre. Mais un spécial. Un retour à la vie de nain. Bon, on parle encore un peu de nain, mais il faut que j'explique un petit peu, je crois. Bon. Je vais bientôt au travail, je vais avoir mon bonus. Là. En mars, chez Desjardins, on a toujours notre bonus pour ceux qui en ont. Puis je me fais toujours un ou deux cadeaux à ce moment-là. Puis cette année, j'ai choisi de m'acheter un nain. Non, une petite scie mécanique STIHL, la première d'entrée de gamme. Puis cet été, avec ma copine, ce qu'on aimerait faire, là, puis sûrement ma famille, au chalet, on pourrait s'amuser à se construire un genre de maison de hobbit. De quoi? De rustique, là, mais quand même beau. Ben, puis là, je suis encore dans la première étape. Là, j'aimerais ça me faire un plan. Au début, je ne veux pas faire trop ça grand là, pour débuter, là, vu qu'on va tester des choses. Je ferais ça à peu près grand comme mon salon. Là. Ben, pour ceux qui ont une maison, là, imaginez-vous votre salon. Ben, je voudrais faire une petite cabane de cette grandeur-là pour débuter. Puis dedans, moi, j'aimerais avoir de la place pour mettre un lit ou deux là, superposés, puis se faire une place le fun là, pour s'asseoir, une table, puis avoir peut-être un four en argile. Puis le principe ici, le principe de construction est quand même simple, c'est de faire les murs en rondins coupés que tu empiles, comme quand tu empiles une corde de bois. Puis ensuite, il reste des trous évidemment, bien, tu patches le reste avec soit de l'argile ou du ciment. J'ai vu une vidéo de ça là, qui montre la construction. Eux, ils appellent ça une construction en bois. Ils appellent ça une construction en bois cordé. Donc, ça ne coûterait pas trop cher, d'où l'achat de la scie mécanique pour couper les bois. Puis le résultat final est quand même assez beau. Puis moi, ce que je voyais dans la vidéo, c'est que dans le milieu de la petite maison, pour tenir le toit, bien, ils ont coupé comme un gros arbre, mais ils ont laissé les branches. Donc nous, on pourrait se couper un gros sapin, parce que les sapins, comparativement aux épinettes, ont beaucoup de branches. Donc on pourrait se couper un sapin de la grosseur, de la grandeur qu'on veut avoir. Là. Ça va probablement être 6 pieds de haut. Puis on pourrait laisser des branches qui... pas trop longue, là, mais des bouts de branches, puis ensuite enlever toute la peau, puis peut-être vernir ça là, pour que ça reste beau. Puis évidemment, bon, pour le reste, il y aurait une porte ronde, des fenêtres avec le tour en branches courbées. Il y a moyen de faire ça beau pour que ça coûte pas trop cher aussi, parce que si on achète des fenêtres du marché, des portes, tout ça, c'est bien évidemment, le montant pour mettre ça en place, ça monte assez vite. En ce moment, les matériaux sont chers. Donc, le but, moi, j'aimerais ça aussi éviter d'utiliser des clous. S'il faut joindre des choses ensemble, bien, on utiliserait des jointures en bois. On a juste besoin pour ça d'un vilebrequin assez gros. Puis bon, puis ensuite, tu fais des jointures avec des bois en faisant un trou sur le bois du haut, le bois du dessous, puis tu joins avec une cheville entre les deux. Bon, tout ça, c'est des vieilles techniques là, qui, dans le temps, là, quand ils ne voulaient pas dépenser d'argent. Donc, c'est un peu ça le projet. Faut juste se trouver une belle place au chalet pour faire notre maison d'Hobbit. On aimerait bien, moi, ma copine et moi, avoir un des murs, que c'est comme une grosse roche. Donc, direct dans la maison, on sera à côté sur une roche. On aimerait aussi peut-être enfouir un peu la maison pour qu'il y ait juste la moitié de la maison qui dépasse du sol. Mais ça va être difficile, je pense, parce que derrière notre chalet, c'est comme un éboulis de montagne. Donc, c'est assez difficile de creuser. Là, rapidement, tu arrives sur les roches. Donc, mais on verra. Au pire, on peut construire hauteur normale, mais accumuler des roches pour monter le sol. Donc, à voir. Sinon, l'autre projet qui est en cours, qu'on débute, ma copine et moi, c'est d'avoir un immense jardin cet été sur mon terrain. On va agrandir ce que j'ai déjà, mais comme le bois coûte assez cher encore en ce moment, on a commencé là, à ramasser des palettes. On va essayer de les défaire puis d'utiliser ce bois-là pour faire nos carrés de jardin. Comme ma piscine a lâché l'année passée puis que ça coûte assez cher de la remplacer, ben je vais attendre pour la remplacer. Puis on va plutôt prendre l'espace de la piscine, parce que c'est direct sur la terre, pour mettre les boîtes à jardin directement là. D'ailleurs, on doit partir nos plans ce week-end pour les jardins, pour nos petits jardins. Il commence à faire pas trop froid là, ici la nuit dans où ce que j'habite là, à l'île Perrault. Donc, je pense couper ma serre en deux, donc mettre un plastique à la moitié, puis chauffer, me mettre à chauffer une des deux moitiés où on va planter nos graines de ce week-end. Donc, c'est ça. Donc, avec ça, on serait prêt à sortir nos plants dehors dès qu'il va se mettre à faire beau ou qu'il fait plus, que ça gèle plus la nuit. Voilà, c'est mes projets pour l'instant là, qui sont en cours. J'en ai beaucoup d'autres, là, mais pour l'instant, c'est ça. On réécoute un peu de musique et au retour, la suite du Lobster 127.0 où on honore la mémoire de mon frère, toujours, qui essaie de s'en sortir avec le mot en G et qui, malgré tout, là, c'est lui qui m'a honoré en me mettant dans un de ses vidéos. Puis je pense que c'est le temps, oui, qu'on écoute la nouvelle chanson de Depeche Mode. Ils ont sorti une nouvelle chanson, ils prévoient sortir un album bientôt. La nouvelle chanson se nomme Ghost. Et le nouvel album doit sortir le 24 mars et se nommer Memento Mori. Puis c'est quand même prometteur là, selon ce qu'on peut entendre avec Ghost. Là, ça sonne comme du Depeche Mode dans le temps. Puis il y a aussi Metallica qui sort un nouvel album. Lui se nomme 72 Seasons. Ça sort le 14 avril. Il y a trois chansons qui sont déjà sorties. On va donc se commencer ça tranquille avec Depeche Mode puis Ghost et suivra Lux Aeterna de Metallica. Bonne écoute! Bon, si j'avais un invité ou un nain avec moi, on serait rendu à jouer à un jeu. Bon, c'est que cette semaine, j'ai entendu sur les ondes de Radio-Canada Première une chroniqueuse qui disait qu'elle jouait avec son chum ou des amis dans la voiture à un jeu que je me souviens pas le nom, mais le principe, c'est qu'on enlève l'un ou l'autre. Tu dois faire un choix. Donc, par exemple, je te donne deux choix. Est-ce que tu aimerais mieux qu'on retire les fenêtres ou les portes? Donc, tu choisis lequel disparaît pour toujours. Et là, on discute avant de faire notre choix. C'est un principe qui me semble, ou un jeu qui me semble quand même assez le fun à jouer. L'autre soir, dans mon lit, ben, j'ai écrit une dizaine de questions. Mais bon, je ne jouerai pas tout seul à ça. On va donc attendre d'avoir un invité dans un prochain Lobster. Donc là, on va y aller avec mon plan de relève et on va écouter les débuts de chansons que j'aime bien. Ben oui, c'est les chansons dont j'aime le début ou dont j'aime une partie. Et bien sûr, vous pouvez essayer de deviner. Moi, je vais passer juste des petits bouts. Ça va être ça notre jeu et c'est quand même varié vu que j'aime plusieurs styles de musique. Donc, on devrait couvrir plusieurs genres. Donc, on part ça. La première chanson, c'est un classique du temps de l'école. Du temps que j'allais à l'école, c'est mon ami Étienne qui m'avait prêté la cassette de ce groupe-là. Et j'arrêtais pas d'écouter le début de cette chanson. On l'écoute. Le petit poisson Damnation. Et oui, le petit poisson, interprété par le groupe punk metal Barf. Quand le début commence, ben tu sais ce qui s'en vient, ben t'as le temps de baisser le son avant qu'il commence à crier. Maintenant, on poursuit avec une chanson que j'aurais aimé pouvoir jouer moi-même à la guitare. Si j'apprends un jour la guitare, c'est pour jouer cette chanson-là. On l'écoute. Et oui, la chanson « Sirius » du groupe Alan Parsons Project. Je trouve ce début de mélodie quand même assez beau, mais j'ai aucun souvenir d'attacher à cette chanson. Mais j'y reviens toujours pour la réécouter de temps en temps. C'est pour ça qu'elle est dans ma liste. Maintenant, un début de chanson qui est un classique québécois. Ben, pour moi en tout cas. On l'écoute, essayez de deviner. Puis aujourd'hui, ben, c'est Noël. Puis pour moi, ben, c'est mon 18e. J'ai passé la journée à regarder dehors, puis ça fait 3 jours qu'il neige bien raide, puis les chemins sont bloqués bien durs. Et oui, Noël au camp de Tex Lacor. Quand on entend le début de cette chanson-là, on anticipe ce qui s'en vient. Car vers la fin de la chanson, il y a le décompte et il chante « Il est né le divin enfant » et c'est pas mal rythmé. Tex Lacor, il faisait aussi des toiles. J'ai failli acheter une toile de lui dans un encan, il y a environ un an. Mais à la place, j'ai acheté une sculpture en bronze de quelqu'un que je pensais être du groupe des Sept, mais je m'étais mêlé. C'était le fils de la personne du groupe des Sept qui portait le même nom que son père, un genre de junior. Et avoir su, j'aurais acheté une toile de Pélan qui, dans le même encan, s'est vendue pas trop cher. Bref, passons par les méandres de la vie qui me font acheter des choses bizarres. Bon, maintenant, un classique du dance floor. Juste le début. On l'écoute. Moi, cette chanson me fait toujours penser au temps que je sortais dans les bars. Mais juste le début, je sais pas si c'est parce qu'elle avait été remixée avec de quoi qui jouait de mon temps, mais bon, c'est ça que j'ai en mémoire quand j'entends le début de cette chanson. Et aussi un autre début de toune dans le même style que je cherche depuis des années. Je sais qu'il est enregistré sur une de mes nombreuses cassettes de dance que je conserve dans une boîte au garage, mais bon, comme mon lecteur de radiocassette est capote, pour l'instant, je suis incapable de faire jouer mes vieilles cassettes puis de retrouver ce que je cherche. Bon, on continue. Une autre chanson. Un autre début de chanson. Ben oui, je sais, j'ai oublié de vous donner le nom de la chanson précédente. L'autre avant, c'était The Flirt, le groupe The Flirt avec la chanson Passion. Puis là, ici, on vient d'écouter Out of Touch du groupe Darry Hall et John Holt. C'est des vieilles chansons, un peu dance, un peu pop, que moi j'aime bien. J'aime bien le début de ces chansons. Maintenant, un autre, un peu dans le même style. On écoute. Sweet Dream de Eurythmics. Dès qu'on entend le début, on sait ce qui s'en vient. Et on aime ça. Ok, maintenant, une musique qui est liée à un film. Moi, quand je l'entends dire dans la chanson « Oh no! Oh yeah! » j'orgasme. Un film que j'ai adoré. Saurez-vous le trouver? On l'écoute! And then, it was time for Toronto to drown in the sweet song of the Clash at Dreamhead! Pour ceux qui ont trouvé, et oui, c'est le film Scott Pilgrim vs. The World et la chanson Black Sheep. Scott Pilgrim, un dragueur invétéré de 22 ans, sans grande autre occupation que de jouer de la base avec les Sex Bomb, un groupe de garage rock rencontre enfin la fille de ses rêves. Un seul problème s'oppose pour conquérir le cœur de l'insaisissable et mystérieuse Ramona Flower. Scott doit d'abord combattre ses 7 ex maléfiques qui n'ont pour autre raison d'être que de chercher à l'éliminer. Si vous n'avez pas vu ce film, vous devriez le voir, c'est très bon. On en réécoute un petit peu avant de lancer l'autre début de chanson. Ici, c'était pas facile, c'est du Sonata Arctica avec la chanson Black Sheep. Moi, je les aime bien à cause ils mélangent le synthétiseur avec la guitare. Je trouve ça très bon. Maintenant, une chanson qui n'a pas besoin de présentation, je ne pouvais pas ne pas la mettre. C'est un classique, le début de la chanson, on le reconnaît tous et on l'écoute ensemble. Live is Life du groupe Opus. Ici, je sais, j'ai fait par exprès, c'est pas l'original. J'aime mieux le remix plus dance, mais vous avez sûrement trouvé de toute façon. Maintenant, on est rendu à un début de chanson que j'ai failli enlever. Je savais pas si je le gardais dans ma liste, mais oui, j'ai décidé de le garder. Pour moi, c'est quand même assez marquant. On va voir si vous découvrez le nom de cette chanson et le groupe. Et oui, la Villa Strangiato de Roche. Je sais, c'est pas tout le monde qui aime ce groupe. Moi, est-ce que je suis fan? Oui! Ils ont plein de chansons que j'adore, comme cette chanson ou Tom Sawyer, par exemple. Ok, maintenant, on retourne dans les films. C'est toujours bon, ça. Je sais pas si mon ami Martin sera capable de reconnaître la chanson ou le nom du film. Du temps qu'il travaillait aux premières vidéos HQTMI, il écoutait beaucoup de films. Je ne sais pas s'il a pu voir ce film. Je ne sais même pas, en fait, si on pouvait le louer et dans quelle section il se serait retrouvé. Horreur ou nudité? C'est un film dont j'ai parlé dans un autre podcast. C'est un autre indice. Il y a longtemps. On écoute. Une musique qui fait un peu peur. Je pense que personne ne connaît ce film ou cette chanson. La chanson, c'était la chanson Profondo Rosso du groupe Goblin et le chanteur ou la personne qui joue, Claudio Simonetti. Et il a fait plusieurs musiques pour des films d'horreur. Mais on cherche toujours le nom du film dans lequel ça a joué. Et... allez, on se fait plaisir. On réécoute la bande-annonce. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Je pense que je l'ai joué une ou deux fois déjà dans mes autres Lobsters. Je sais qu'elle mériterait d'être vue avec les images, mais j'ai de la misère cette semaine à vous diffuser les images via le podcast. On dirait que les images ne rentrent pas à vous. Donc, on écoute quand même l'audio. Le nom du film sera mentionné à la fin et ensuite, on enchaînera sur autre chose que vous devrez découvrir. Trois sœurs, plus diaboliques l'une que l'autre. La première ment. Non, inspecteur. Non, nous n'avons tué personne. La deuxième dit peut-être la vérité. L'accident, ça n'était pas un accident, non? Et la troisième semble folle. Notre sœur est normale, je vous assure. Maintenant, il est dans leur toile d'araignée. dans l'engrenage de la suspicion. Et donc, personne n'a retrouvé le corps. L'obsession. On savait qu'elle nous observait dans le noir. Ça rendait les choses beaucoup plus excitantes. Le meurtre. Et la folie. Ne croyez rien de ce que vous voyez. Encore des mensonges. Qu'est-ce que vous voulez de moi exactement? Ne croyez rien de ce que vous ressentez. Je vous aime. Ne croyez rien de ce que vous touchez. Ne croyez rien de ce que vous pensez. Washing Machine. Elle ne vient pas à bout de la terreur. Un film du réalisateur de Cannibal Holocaust. Washing Machine. Together in Electric Dream du groupe, quel groupe? The Human League. Et oui, en français, ce film-là se nommait La Belle et l'Ordinateur. C'est dans ce film-là qu'on entend cette chanson-là. C'est un jeune architecte dans le film qui fait l'acquisition d'un ordinateur avec des pouvoirs insoupçonnés, puis c'est ça. Juste en dessous de son appartement, il y a une fille qui joue de la contrebasse, je crois, puis la musique monte à son appartement, puis pendant qu'il n'est pas là, son ordinateur s'allume, puis il écoute la fille, puis il lui répond avec de la musique, puis ils composent ensemble la chanson finale qu'on vient d'entendre. Un bon film. C'était peut-être l'origine de ChatGPT, ceux qui ont construit l'intelligence artificielle qu'on connaît maintenant, là, qui répond à nos questions. Ben, il y avait la même chose dans l'ordinateur de ce film. OK, maintenant, on est rendu où? Ici. Les prochains. Bon, j'ai magané une de mes dents durant un de leurs spectacles. Une de mes palettes, en plus, direct dans le milieu. C'est mon ami Charles, avec qui je me tenais à l'université de Sherbrooke. Lui, dans le temps, trippait, bon, il doit tripper encore là-dessus, sur le death metal. Puis moi, ben, j'étais pas capable. Mais, bon, on étudie ensemble et ce groupe qu'on va écouter la chanson était venu en ville. Et pour une fois, c'était pas du death metal, c'était un autre type de musique, un peu punk. Puis là, il m'avait convaincu d'aller les voir avec lui. Lui s'était teindu les cheveux rouges avec du colorant alimentaire et moi, j'avais fait la même chose avec du vert. Puis dès le début du show, pendant qu'on dansait et chantait, eh bien la couleur s'était évidemment mise à nous couler dans le visage. C'était une très mauvaise idée, le colorant alimentaire. On avait dû aller se laver dans le lavabo pour retirer cette mauvaise idée colorait nos têtes. Puis ensuite, en dansant, ben, j'avais reçu la tête d'un punk dans ma bouche, ce qui avait fissuré une de mes palettes et qui lui avait peut-être marqué fait une cicatrice sur l'écran, on sait pas. Bref, je vous laisse essayer de découvrir le nom de ce groupe. Skunk avec la chanson Le gouvernement songe. Et oui, un groupe de punk montréalais qui malheureusement ne fait plus de chansons. Et dans la même veine, maintenant, essayez de deviner celui-ci. Un groupe de Longueuil cette fois. Le groupe Banlieue Rouge avec l'Auberge des Trépassés. Maintenant, le début de tune suivant, c'est de l'émotion à l'état pur. Ce groupe a trop de bonnes chansons, des chansons marquantes. Il y en a trop pour que je me résigne à en choisir seulement une. On va écouter deux débuts. Moi, je vous dirais montez le son, émotion, état pur. On écoute maintenant. Van Halen avec deux grands succès, Jump et l'autre chanson dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom. Je regarde les lettres qui forment le mot, puis non, on ne prononce pas ça. Les prochains, ben en fait, la prochaine chanson, c'est les avant-derniers de ma liste. J'ai gardé le meilleur, évidemment, pour la fin. Eux qui vont suivre, j'ai leur CD dans mon garage depuis longtemps, un des disques que j'aime le plus. Quasiment tout l'album est bon. J'adore en plus quand il y a des films qui chantent dans un band. Et dans ce groupe, il y en avait deux. Si ça peut être un indice pour vous, c'était Pâquerette Cocktail et la deuxième, La Poufiasse. Je ne savais même pas qu'elle se faisait appeler comme ça avant de vérifier. Donc, ce n'est pas un bon indice. Mais on écoute la chanson, le début. Vous allez peut-être les reconnaître. Je suis incapable. pour les céréales ou le paysan surgelé. Lorsque terrible c'est le temps de minuit, je réanime ma femme encore tout en sommeillé, ouais, pour qu'elle se réhabille. Et oui, pour ceux qui ont deviné, les secrétaires volantes avec la chanson « Solange, es-tu réveillé? » Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit jeu que vous avez fait avec moi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé faire le tour de... On recommence. Et oui! Oh yes! On va finir en riant, je pense. pourtant, j'ai pas vu une nain à côté de moi. J'imagine qu'il y a un nain dans ma fenêtre en train de checker. Qui est juste arrivé pour la fin de l'épisode. Il saute. Hey, c'est Little Beaver. C'est le lutteur. En tout cas. Bon, on reprend. Back up. Et oui, pour ce... OK, go. Et oui. Faut plus que je regarde dans la fenêtre. Je suis sûr qu'il va... Il va apparaître. Je vais barrer ma porte de patio aussi. Bon, ce que je disais, j'espère que vous avez aimé mon petit jeu. Bon, moi, j'ai bien aimé refaire le tour des chansons là, que j'aimais bien. Et je me suis gardé la meilleure pour la fin. Mais avant de conclure avec celle-là, si jamais il y en a qui écoutent mes vieux lobsters, bien, je cherche toujours ma chanson de chat. C'est une chanson que je cherche depuis trop longtemps. C'est deux personnes qui sont déguisées en chat qui dansent sur une chanson. Mais j'ai oublié le nom de la chanson. Je l'ai sur le bout de la langue depuis 2 ans, mais pas capable de m'en souvenir. Bon, je sais que je l'ai fait déjouer dans un lobster, mais je veux pas me taper tous les épisodes précédents pour la retrouver. Donc, si par hasard, il y a quelqu'un qui se tape les épisodes et que j'en parle, que je parle des gens qui dansent en chat, pourriez-vous faire un Shazam puis me renvoyer le nom de la chanson? Ça fait assez longtemps que je la cherche. Donc, on conclut ce lobster. On va souhaiter prompt rétablissement à tous ceux qui devaient participer à ce lobster. Merci de m'écouter. Je sais que vous êtes encore plusieurs, même si je publie pas souvent. Mais quand je le fais, c'est toujours avec plaisir. Puis, est-ce qu'on va arriver sur Twitch bientôt? Peut-être. J'ai fait des tests, ça marche. J'ai Twitché, j'ai publié vidéos et musique, puis ça marchait avec OBS. J'ai fait des settings pour que ça fonctionne. Mais bon, je ne veux pas me lancer seul, j'attends toujours mon frérot, donc dès qu'il a fini d'avoir la chiasse, on pourra peut-être enregistrer de quoi. Et nous, on conclut avec un groupe qui, surprenamment pour moi, qui vient juste de vérifier, font encore des tournées. Bon, j'aurais cru qu'ils seraient morts, mais bon, ils seront à Mexico en juillet 2023, donc j'imagine qu'il y en a encore de vivants dans ce groupe s'ils participent à ce festival à Mexico en 2023. On termine là-dessus, c'est le groupe Sister of Mercy avec Temple of Love. Donc, bonne fin de Lobster, restez syntonisés, ça devrait être plus régulier quand mes co-hosts vont être dispo. Donc, bonne fin de Lobster 127.0 et que le nain soit avec vous. Temple of Love. below the waves. When stone is dust and there remains the only haven you can trust. And the devil in a black dress watches over. My guardian angel walks away. Life is short and love is always over. And my morning black queen come carry me far away. With a fire from the fireworks up above, with a gun for a lover and a shot for the pain. We've bound for a couple in the tip of our blood. The sky like thunder, the cry like rain. And the symbol of love grows cold and strong, but the wind blows stronger, cold and long. And the symbol of love will fall before this black wind blows my name to you no more. J'ai des symptômes de gastro depuis 3 jours et je voudrais savoir comment être sûr qu'il s'agisse vraiment d'une gastro. À vrai dire, j'ai pas vraiment envie de consulter un médecin pour ça. Je voudrais aussi savoir combien de temps ça dure à peu près et est-ce qu'il pourrait s'agir peut-être d'une intoxication. Je pense prendre des médicaments de type Smecta pour soulager. Est-ce que cela servirait vraiment à quelque chose? Merci pour votre réponse. Belle émission à tous. Bonne journée. Merci beaucoup Charlie pour votre question. Moi je vais me permettre quand même de juste en amorce hein, vous dire de quand même conseiller de consulter votre médecin, même si Jimmy bien sûr va répondre d'un point de vue général. Alors Jimmy, d'abord comment on fait la différence entre une gastro et une indigestion, puisque c'est sa question? Alors là c'est plutôt d'intoxication dont il parle. L'indigestion c'est le fait de manger trop gras, trop sucré, trop salé, une grande quantité et tout d'un coup vous sentez un peu ballonné, vous avez exactement du mal à digérer. En revanche dans l'intoxication alimentaire il y a souvent une cause commune, vous avez d'autres personnes qui ont partagé un plat avec vous et dans les heures qui vont suivre vous allez avoir des douleurs abdominales, vomir assez rapidement et les diarrhées vont survenir dès le lendemain. Alors que dans la gastro-entérite il y a parfois un contexte d'épidémie, on sait qu'autour de soi on a côtoyé quelqu'un avec des symptômes, pour autant il est possible de n'avoir aucun coupable dans l'entourage puisque on sait que certains virus de la gastro-entérite comme le norovirus peuvent survivre 2 à 3 semaines sur des surfaces inertes. Donc une poignée de porte qui a été mal nettoyée, ou en tout cas pas nettoyée, peut vous rendre malade et donc on n'a pas toujours un coupable dans l'entourage. D'accord. Est-ce qu'il faut systématiquement consulter un médecin après 3 jours, comme il le décrit là, de troubles intestinaux, puisque j'ai l'impression que c'est ce dont il souffre? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, en termes de diarrhée. Il faut consulter au-delà de 5 jours de diarrhée. Bon, 3 jours, ça va encore. On peut suspecter une surinfection. En revanche, 3 jours, ça peut être suffisant. Mais si vous avez du sang dans les selles, là, il faut consulter. Vous allez avoir une intoxication avec une bactérie. On appelle ça un syndrome dysentérique. Si jamais vous avez des diarrhées hydriques insupportables, on dit colériforme, comme si vous avez le choléra, c'est-à-dire 10 à 15 par jour, eh bien là, il faut consulter. Si jamais les vomissements sont incoercibles, qui vous empêchent de vous hydrater, là encore, il faut consulter. Et même chose pour la température. Dans la gastro-entérite, il y a peu ou pas de fièvre. Mais si vous avez 39-40 en plateau, c'est qu'il y a peut-être autre chose. Dernier élément, si vous êtes une personne fragile avec des comorbidités, là, il faut consulter un peu plus fréquemment que les autres. Très bien. Rapidement, il dit, moi, je vais prendre du Smecta. Hein, c'est lui qui le dit. Est-ce que c'est la bonne solution? Ça n'a absolument fait aucune preuve d'une efficacité sur la réduction du nombre de jours, et en particulier chez les enfants, du nombre du débit des selles chez l'enfant. Il y a un seul médicament qui peut réduire un peu le débit des selles, c'est le Tiorfan, qu'on donne sur prescription médicale et qui existe désormais sous forme de sirop. Avant, il était sous forme de sachet, c'est assez imbuvable pour les enfants. En revanche, il faut s'hydrater, boire, régime riz, banane, carotte. Et bien souvent, ça passe comme ça. Et si Charlie, ça dure bien sûr plus de 3 jours, n'hésitez pas, si vous êtes à 3 jours, n'hésitez pas à consulter, évidemment.